هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes toujours dans la série de cours de traduction de l'explication de Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoun, حفظه الله تعالى, qui nous présente, qui nous explique le livre, le fameux livre et l'excellent livre Sifat Salah, qui est connu comme en français sous le titre de la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais, du Tekbir au Teslim. Et c'est le livre du grand imam, le lion de la Sunna, le grand muhaddith, Cheikh Mohamed Nasser bin Albani, rahimahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre qui a pour titre en arabe Ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wa sallam fi salawati. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها وهكا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. Qu'est-ce que nous dit l'auteur qui est Cheikh Mohamed Nasser al-Din al-Albani رحمه الله تعالى كان لفاق ميزيريكورد et nous donne une présence l'A'la. Il nous dit ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait lors des prières. Et ici, je voudrais que vous gardiez ce titre en tête aujourd'hui et dans les cours qui viennent, inshallah. Le titre est explicite, ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait lors des prières. D'accord ? Et on va commencer, inshallah, aujourd'hui avec Salat al-Fajr, ensuite Salat al-Dohr. Évidemment, Salat al-Fajr, on va parler d'inshallah de Salat al-Fajr. Après Salat al-Dohr, ce sera pour le cours prochain, inshallah. Ensuite, surat al-Asr, al-Maghrib wal-Isha. D'accord ? Donc, ce titre-là, c'est un titre général, et il y aura des sous-titres, si vous voulez, en fonction des prières desquelles on va parler. D'accord ? Donc ici, l'auteur, rahimahullah, qui est sur l'Albani, il nous dit, concernant ce que récitait le prophète, alayhi salatu wassalam, comme surat et verset, lors des prières, cela différait selon si c'était dans les cinq prières obligatoires ou les autres. En voici le détail, en commençant par la première des cinq prières. Donc on a dit quoi, c'est un titre général. Inch'Allah, on va faire le détail, prière par prière, parmi les cinq prières. Inch'Allah. Il y a une annotation qui est faite ici en bas de page. Je vais d'abord lire ce qu'il dit sur Salat al-Fajr en arabe. Et puis on va traduire cela en français, Inch'Allah, et on va traduire l'explication avec l'annotation. Comme ça on se perd pas, Inch'Allah. فكيف يقول الشيخ الألباني رحمه الله إذا صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يرحمك الله كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بطوال مفصل فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. نظر كيف سأفجر إن شاء الله. حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك أو بأكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية فأكثر قال قال في بعض رواته قال بعض رواته certains rapporteurs ont dit de ce hadith, d'accord, vous barrez le fi ici. قال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة فركع وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات وكان يصليها يوم الجمعة بالإسلام من تنزيل إلى آخر الآيات عن السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان إلى آخر الآيات، وهي يعني سورة الإنسان كنا تلبس سورة الدهر. وكان يطول في الركعة الأولى أو يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. Donc avec ça on a fini de lire le passage en arabe sur la prière du Fajr, la prière de l'aube. Donc traduit ça inchallah, le prophète alayhi salatu wassalam il récitait les plus longues sourates du Mufassal. Alors j'avais déjà dit dans un micro précédent qu'est-ce que c'était le Mufassal. J'avais rapporté la parole que c'est le Qurrajah, la Qurrajahahu, Cheikhouna Abdelaziz wa Mufti Bir al-Saoudiya, Abdelaziz Ali Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il avait dit que quoi que le Mufassal c'était de Qaf jusqu'à An-Nas. Alors maintenant vous allez voir un détail à ce niveau-là. Une discussion qui se fait au niveau de ce qu'on appelle Qifar al-Mufassal et Tawal al-Mufassal. C'est-à-dire les longues sourates du Mufassal et les courtes sourates du Mufassal. Alors une discussion chez les ulama sur à partir de quelle sourate commence Qifar al-Mufassal. On va voir ça inchallah dans un instant. Donc on a dit quoi ici? On a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il récitait les plus longues sourates du Mufassal. En effet, il récitait parfois les traductions du nom des sourates, bien sûr, l'événement. Je vous donne le... Vous vous rappelez quand on faisait les chiffres, on disait quoi que le premier chiffre c'était? Le numéro de la sourate, hein? Et le deuxième? Ouais, quand tu parles par en arabe, c'est de la droite. Hein? Donc qu'est-ce que tu dis par exemple, Al-Waqi'a, c'est quoi? C'est la sourate 56 ou 96? 56, d'accord. Il y a combien de versets? 96. Donc le premier chiffre, c'est quoi? Le numéro de la sourate, tandis que le deuxième chiffre, c'est le nombre de versets. Hein? D'accord? Donc j'ai dit chaque fois deux chiffres. Le premier, c'est le numéro de la sourate, et le deuxième, c'est le nombre de versets. Donc il a récité, comme on a dit quoi? Al-Waqi'a. Hein? On commence par la droite ou la gauche? Si tu veux, en arabe, c'est la droite. En français, c'est la gauche. Non, mais là, c'est pas parce qu'il y a. Ici, c'est l'inverse. On reprend en arabe, d'accord? Vous êtes avec moi dans le texte, là? Non. Ok. Dans le texte, qu'on a dit? C'est le waqi'a, ça, ou là? Hein? D'accord. Ah oui, donc si vous avez raison, c'est quoi? C'est le 96 au niveau du numéro. Et combien de versets? 96. Hein? Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais là, t'as dit, on commence par la droite. Mais... En fait, c'est la voilà, mais en arabe, on compte par autre chose en fait. Bon, à la coup de l'hal, hein, nous savons en français, c'est que le premier chiffre que je donne en français, c'est le numéro de la sourate, hein, et le deuxième chiffre, c'est quoi? Le nombre de versets, en français. Ça va? C'est clair? Ouais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il récitait les plus longues sourates du Mufassal. En effet, il récitait parfois l'événement, c'est le Waqi'a, sourate 56, et il y a 96 versets. Et des sourates semblables en deux rak'at. Il a aussi récité une partie de la sourate à Tour, numéro 52, nombre de versets, 49. Durant le pèlerinage, il y a du ce qu'on appelle Hajjat al-Wada'. Et parfois, alayhi salatu wassalam, il récitait Qaf, et c'est évidemment la traduction du sens des versets, par le Coran glorieux, Qaf ou le Coran al-Majid. C'est numéro 50 et il y a 45 versets. Et d'autres de même longueur dans la première rak'a. Parfois, il récitait, alayhi salatu wassalam, les surates les plus courtes du Mufassal, telles que quand le soleil sera obscurci. Hein? Et ça, c'est quoi? Numéro T, 81, nombre de versets, 29. D'accord? 15. C'est combien là? Moi, c'est 15, c'est juste. 15. Et une fois, il a récité quand la terre tremblera, c'est 99. Là, j'ai traduit en français, le bel division 99. Et le nombre de versets, c'est 8. Dans chacune des deux rak'as. De telle sorte que le rapporteur du hadith a dit: je ne sais pas si le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou s'il l'a fait intentionnellement. D'accord? On va expliquer tout ça. Ça, c'est juste le maître, comme on dit, la parole du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et puis après, on va voir l'explication du Cheikh Badimou là-dessus, inshallah ta'ala. En outre, il a récité une fois, en voyage, dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Numéro 113, nombre de versets, 5. Et dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes Ce qu'on appelle les événements Al-Mu'awwilatan, c'est Qul A'udhu Birabbil Falaq et Qul A'udhu Birabbin Nas. Ici, c'est référence à la sourate Nas. Et c'est 114, c'est la dernière sourate du Coran. Et il y a 6 versets. À ce sujet, il a dit à Uqba ibn Amir, radiallahu anhu arda, lis dans ta première les deux protectrices. Il n'y a pas de meilleure protection pour celui qui cherche à se protéger que ces deux sourates. Parfois, il récitait, alayhi salatu wa salam, plus que ceci. Il récitait 60 versets et plus. On parle de quelle salat ici ? Al-Fajr. Certains des rapporteurs de ce hadith ont dit, je ne sais pas si c'est en une seule raka'a ou en deux. De plus, il récitait la sourate Ar-Rum, les Romains, numéro 30, nombre de versets 60, et parfois la sourate Yassin, numéro de la sourate 36, nombre de versets 83. Une fois, alors qu'il accomplissait la prière du Subh à la Mecque, il commençait à la salatu salam, il commençait à la salatu salam la prière en récitant la sourate Al-Mu'minun, les croyants. Qad aflah Al-Mu'minun. 23, nombre de la sourate, nombre de versets 118. Jusqu'à ce qu'il ait évoqué Moussa et Haroun, alayhi salam, ou qu'il ait évoqué Isa, alayhi salam. Certains rapporteurs du hadith doutent. On va voir ce que ça veut dire. Simplement pour savoir est-ce qu'il s'est arrêté. On va voir que lorsqu'il a lu sur le Mu'minun, le prophète Arim l'a toussé. Il était pris par une toux et s'est arrêté. Alors maintenant, le rapporteur du hadith l'a douté. Est-ce qu'il s'est arrêté quand il a parlé dans le Mu'minun de Moussa Haroun, verset 45, ou lorsqu'il a parlé de Isa, verset 50. C'est ça qu'on parle ici. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. Donc certains rapporteurs du hadith doutent. Il fut pris d'une toux, il a toussé et se prosterna. Ici, regardez un peu avec moi le texte en arabe ici, qu'est-ce qu'il a dit ? Faraka'a. Donc ici, il y a eu une erreur, parce que je vous ai dit que toujours dans le français, moi je me basais sur quelle édition ? Le Maktab al-Ma'arif, il se s'inclina. Pour le quoi ? C'est l'inclinaison, traduit comme ça en général en français, et se joue par prosternation. Donc, et il s'inclina. En outre, il dirigeait cette prière en récitant parfois les envoyés. Sourate 77, nombre de versets 182. C'est juste ou pas ça ? 128. 128, hein ? 128, d'accord ? Le vendredi, il accomplissait la prière du Subh en lisant Alif Lam Mim, la révélation du livre. Sourate Sejda. C'est numéro 32, nombre de versets 30. Dans la première raka'a et dans la seconde, s'est-il écoulé pour l'homme ? La traduction du sens, Zahal Ata'ala al-Insan, Hino Minatah, l'ayat. 76 et nombre de versets 31, sachant qu'il prolongeait la première raka'a et raccourcissait la seconde. Maintenant, on a besoin de savoir ce que tout ça veut dire au niveau du maître de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et bien sûr, Bazoul nous l'explique. Il dit, Hajra Allah Ta'ala. Sourate 31, le nombre de versets 76. Non, sourate 1. Sourate 31, le nombre de versets. Donc l'insan, c'est la 31 sourate du Coran. Hein? C'est ça que tu es en train de dire, c'est ça? Oui, je suis trompé dans l'île. Ah, c'est 76. C'est vous en arabe? Oui. À la Koulihan, c'est la 76. D'accord? Explication maintenant de Cheikh Mohamed Ben Omar Ben Zmoul, qu'Allah le préserve, d'accord ? Il dit, et on revient maintenant au ta'liq, ce qu'il avait fait avant. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, je vous relis le texte en arabe, « وَأَمَّا مَا كَانَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمْ فِي الصَّلَوَاتِ مِنَ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا » Vous voyez en bas de page, j'avais une annotation ici, d'accord ? Avec un 1, un numéro 1. Alors on lit ça d'abord, on traduit. « مِنْ هُنَا يَبْدَأُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذِكْرِ مَا كَانَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ في الصلوات الخمس المفروضة وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وذكرها من باب ذكر الأمور المسنونة المستحبة وليس على سبيل الوجوب فليس المراد من ذكر هذه القراءة لهذه الآيات والسور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام أنا على سبيل الوجوب إنما نقول هذا ما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات ففعل ذلك سنة مستحبة ليس بشرط ولا واجب فمن استطاع أن يقرأ مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وتحمل المأمومون يسيدي تحمل المأمومين على كل حال تحمل المأمومون ذلك فلا حرج ولا بأس هذه سنة مستحبة أما إذا كان المأمومون لا يستطيعون تحمل طول القراءة الطويلة التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، فالسنة في حق الإمام إذا صلى بالناس ألا يطول وأن يقتصر على سورة والسماء ذات البروج وسورة والشمس وضحاها أو سورة والليل إذا يغشى ونحوها. On va dire traduire cette première annotation là. Cheikh Abdelmoul, il dit que l'auteur qui est Cheikh Al-Albani, il a fait l'annotation parce qu'il a parlé de quoi? Des cinq prières et d'autres. Tu veux ou pas? Hein? Cinq prières et d'autres. Ça va? Parce qu'on parle de la lecture du prophète Al-Sansan. Faut tu regarder ça dans le contexte d'Ikhwa. C'est quoi? On parle de la lecture du prophète Al-Sansan dans quelle prière? Les cinq prières. D'accord? Qu'est-ce qu'il disait comme sourate et qu'est-ce qu'il disait comme verset et que cela changeait en fonction des cinq prières ou d'autres. D'accord. Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani dit? Il dit, rahimahullah, c'est ici que commence, ou Cheikh Al-Bazmoul, c'est ici que commence l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, à citer ce que le messager d'Allah a récité comme Coran dans les cinq prières prescrites obligatoires, qui sont Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Isha. Et l'auteur les a cités comme faisant partie de ce qui est préférable, sunnah, et n'est pas obligatoire. Alors tout ce qu'on va citer dans la lecture de ces cinq prières-là, dans ces cinq prières-là, c'est quoi? Est-ce qu'on comprend que c'est obligatoire ou bien que c'est une sunnah mustahabba? C'est une sunnah mustahabba. C'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va dire le cheikh ici, il va l'expliquer. Il dit quoi? Il dit, c'est ici que commence l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, à citer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait comme Coran dans les cinq prières prescrites obligatoires qui sont Al-Fajr, comme j'ai déjà dit, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Isha. L'auteur les a cités comme faisant partie de ce qui est préférable, sunnah, et n'est pas obligatoire. Il les a rapportés comme étant des choses qu'il faut comprendre que ce sont des choses préférables, sunnah, qui ne sont pas obligatoires, et que ce n'est pas un shard. Ce que vous avez entendu ici, ce n'est donc pas que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récite dans les cinq prières est obligatoire. Hein, nous disons, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récite dans les cinq prières, si nous le récitons, c'est une sunnah, c'est préférable. Ce n'est ni une condition, ni une obligation. Parce que comme on a dit, si on dit que c'est une condition, qu'est-ce qui se passe? Il a fouqida sharto, fouqida al-mashrou. La condition n'est pas là. C'est pourquoi on a mis une condition, eh bien, il n'est pas là non plus, c'est pas valable. C'est-à-dire que c'est une condition de la prière qui n'est pas là, eh bien, ta prière, elle n'est pas valable. Donc, Chéri dit, attention, c'est ni une condition, ni une obligation. C'est quoi? C'est mustahab, c'est une sunnah. Quiconque donc a la capacité de réciter ce que récitait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'en vient avec ce genre de cours, avec la science évidemment, et avec le hifd aussi, hein, parce qu'on rapporte des versets, on rapporte des sourates, si tu ne les connais pas, hein, je ne pense pas que ce soit possible de réciter tout le monde dans la prière, d'accord. Et on dit quiconque donc a la capacité de réciter ce que récitait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si les gens qui prient derrière lui en ont la capacité, c'est-à-dire que l'imam maintenant, il prie comme le prophète, il récite la même chose que le prophète a essentiel de prier, parce qu'il a la capacité de le faire. Mais c'est quoi la deuxième condition ici maintenant? Et s'il guide les gens, que les gens qui soient derrière lui aient la capacité de prier une longue sourate comme ça, une longue prière comme celle-là, et bien à ce moment-là, c'est quoi? Naam. On l'avait déjà vu ça au niveau de l'imam, qu'il doit faire attention aux gens qui sont derrière lui, et que l'imam il doit alléger la prière. On avait parlé de ça en détail, on va pas en parler aujourd'hui. Donc on a dit, quoi quiconque donc a la capacité de réciter ce que récitait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si les gens, regardez la deuxième condition, et si les gens qui prient derrière lui en ont la capacité et le support, alors il n'y a aucun mal à cela, et c'est une sunna, et c'est préférable comme a dit le frère. D'accord? Tandis que ceux qui prient derrière l'imam ne peuvent pas supporter, que si ceux qui prient derrière l'imam ne peuvent pas supporter cette longue récitation, que réciter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna est alors pour l'imam qui guide les gens dans la prière sans allonger la prière. Et ça fait partie de quoi? On a dit de faire à l'imam qui sache qui il est derrière lui. Hein, quand le prophète a fini de prier avec qui derrière lui? Les sahaba, ikhwa. Et nous, on n'a pas la patience et la force, la capacité que les sahaba avaient. Radiallahu anhu arba'ahum. Donc on a dit quoi? La sunna est alors pour l'imam qui guide les gens dans la prière sans allonger la prière. Et qu'il se limite alors à réciter وَالشَّمْتِ وَضُحَاهَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْلَيْلِ إِلَى يَغْشَى et des sourates similaires. Ce sont des sourates longues ou courtes? Courtes. Cheikh il dit, nous prenons maintenant des hadiths cités par l'auteur qui rapportent la récitation du messager d'Allah dans la prière du Fajr Les jugements suivants. Suivez ou pas les frères? Donc là maintenant on rentre quoi dans l'explication proprement dite du chapitre, d'accord? أقول القائل شيخ بزمول حفظه الله ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث التي تذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يؤخذ منه الأحكام التالية. الحكم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بمثل هذه السور، وهي تعتبر من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. Le premier jugement comprend les jugements de ce chapitre. Cheikh Bazmoun nous dit, حفظه الله تعالى, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait ce genre de sourate lors de la prière du Fajr. Les sourates considérées parmi les longues sourates du Mufassal. On a dit quoi? Ce Mufassal qui commence à partir de sourate Qaf jusqu'à sourate An-Nas. Parce que l'ulama, le Qurrajih, que le Mufassal il commence à Qaf et qu'il se termine à sourate An-Nas. Deuxième jugement tiré de ce chapitre, al-hukm al-thani, anna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam kan yaqra'u fi salat al-fajr أحيانا بقصار المفصل. Je voudrais vous retenir ces deux mots en arabe, c'est قصار المفصل et طوال المفصل. D'accord? طوال long, قصار court. كالمعوذتين والزلزلة والتكوير واختلفوا في قصار المفصل. فبعضهم قال يبدأ من سورة الضحى ويرده ما جاء هنا في روايتي التي ذكرها المصنف رحمه الله مسلم وأبو داود وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. وبعضهم قال تبدأ قصار المفصل من سورة عما يتساءلون وقيل غير ذلك. ويلاحظ أن من أراد السنة ينوع، فمرة يقرأ بهذا ومرة يقرأ بما هو أطول منها من طوال المفصل، أو يخرج عن طوال المفصل ويقرأ سورة أخرى تزيد عن هذه السور في الآيات، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة الروم وبسورة المؤمنون وبسورة قاف. Qu'est-ce qu'on prend comme deuxième jugement parmi les jugements tirés de ce chapitre qui a pour titre la lecture du prophète عليه الصلاة والسلام dans les prières? Ici on fait référence aux cinq prières d'abord. Et bien le deuxième jugement c'est que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم récitait parfois les sourates courtes du Mufassal lors de la prière du Fajr. Comme les deux protectrices qui sont quoi? Al-Falaq et Al-Nas. Et aussi Al-Zalzala. Al-Zalzala. Al-Takwir. Ils ont divergé sur les sourates courtes du Mufassal. Certains ont dit cela commence à partir de Wadduha. Alors maintenant, vous devez déjà vous poser la question, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit, ce que Cheikh Al-Albani a dit au tout début du cours, il y a déjà cette parole-là, cet avis-là, il est réfuté par la narration qu'on a ramenée dans le chapitre. C'est quoi? On va voir tout de suite. Certains ont dit, cela commence à partir de Wadduha. Et ceci est réfuté parce qu'il est rapporté dans la version du hadith, rapporté et cité par l'auteur, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah. Version rapportée par Muslim et Abu Daoud, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parfois lisait des surates parmi Qisar al-Mufassal, les courtes surates, comme Ida Shamsu Kuwirat. Alors maintenant, Ida Shamsu Kuwirat, c'est quoi le nom de cette surate? Takwir. Est-ce qu'elle est avant Doha ou elle est après? Ça, c'est pas une narration qui réfute la vie que. Hein? Qisar al-Mufassal. Alors qu'ici, il dit que ça fait partie de Qisar al-Mufassal. Que Qisar al-Mufassal, elle commence à Doha? Hein? Si, ça réfute, bien sûr. D'accord? D'autres ont dit les surates courtes du Mufassal commencent à Amma yatasa'alun. Et d'autres avis encore ont été rapportés. Maintenant, question. Le dernier avis là qu'on a dit que le Mufassal, il commence à Qaf. On est tous d'accord là-dessus. Hein? On dit que c'était Qurrajah. Comme Cheikh Abdelaziz Achir l'a rapporté. Maintenant, Qisar Mufassal. L'avis sur lequel il commence à Amma yatasa'alun, surat Naba. Est-ce que cet avis là, il va à l'encontre de la narration? Le surat Takwir? Non. D'accord. Hein? J'essaie un peu de vous engager dans le cours un petit peu, hein, quand je peux. Hein? Vous gardez avec moi. Hein? Al-Hukm al-Thalith, le troisième jugement, anna yajuzu lil-imam an yaqra'a as-surata, ce qu'il disait sur la tenue, c'est dans ce qu'on dit, nouridu hudur al-ajsad wal-arwah. Hein? On veut que tout soit présent, les corps et les esprits, que tout soit présent au cours. Hein? Il y a des gens, le corps il est là, machallah, mais l'esprit, hein? Le bal il est ailleurs. Si je me souviens bien, c'est comme ça qu'ils disaient sur la vie, avec le hal ma'ana il est sahih. Troisième jugement, le hukm salif, anna huwa juzu li imam an yaqra as-surata fi rak'ati al-oula. Thumma yu'id nafs as-surati fi rak'ati al-thaniya, wa hada ahyanan. Wa ad-dalil annahu thabata, et ça je pourrais vous poser la question, maintenant directement, c'est quoi la preuve qu'on peut répéter la même surah dans deux rak'ah? Et je l'ai dit dans le texte, si vous avez écouté. Et j'ai dit si vous avez écouté, j'ai pas dit si vous avez entendu. Comme ça, la différence en français entre entendre et écouter. C'est quoi en arabe la différence entre c'est quoi les deux verbes Samia et Istama. Hein et ouais. Ouais, mais ici, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à... Non, c'est juste. En fait, c'est une nasiha en passant. Ce que je dis par rapport au chapitre qu'on a cité, on a cité un hadith. Zalzala, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Aïssa de Salah? Il a dit la première. Et la deuxième. Et qu'est-ce qu'il a dit le Raoui? Le rapporteur. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou moins. Ah, exactement. Donc déjà là, vous connaissez la preuve de ça. Alors que les halos continuent à lire. Comme a dit le Moussani, rahimahullah, que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a lu une fois dans la salat al-Fajr, surat al-Zalzala, dans la rak'at al-Oula, et dans la rak'at al-Thaniya, كذلك. Et qu'a dit le Raoui dans le hadith, لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا فإنه لا يؤثر في حكم المسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن الله الشرع فلو كان هذا لا يجوز لمن أقره الوحي لما أقره الوحي عليه c'était quoi que tu m'avais dit le je pensais à toi tout à l'heure en traduisant c'est quoi le bon mot que tu avais trouvé une fois pour أقره Taqrir. On avait trouvé un mot ensemble, on avait dit que c'était un beau mot dans un des cours. Hein, une sunna taqririya. J'avais trouvé que c'était pas mal. Consensus. Consensus, on ne trouve plus le sens d'ijma. Moi, ce que je voudrais, c'est. Comme il y a une chose qui s'est passée, et le prophète a appelé aqarrahu. Hein, comme ici, par exemple. On avait trouvé quelque chose de plus fort, de plus léger. Tu te souviens hein? Quand tu es là, tu me dis, Inch'Allah. Donc on a dit quoi? فَلُكَانَ هَذَا لَا يَجُوزُ لَمَا أَقَرَّهُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَيُلَاحَدُ أَنَّ السُّنَةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا أَحْيَانًا لَا تِكْرَارًا لَا عَلَى السَّبِيلِ الدَّوَامِ J'arrive, attention, tu l'as, Inch'Allah, quand j'arrive au bon moment, Inch'Allah. Troisième jugement, tiré de ce chapitre, il est autorisé pour l'imam de réciter une surah dans la première unité de prière, puis de répéter la même dans la deuxième. Et ceci, parfois, hein, et la preuve de cela réside dans le fait qu'il a été rapporté de manière authentique, comme l'a dit l'auteur Cheikh Al-Albani Rahimahullah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité une fois, lors de la prière du Fajr, Az-Zalzala, dans la première unité de prière, puis là dans la deuxième, quoi, également. Le rapporteur du hadith a dit au sujet du hadith, parce que quelqu'un il va dire, oui, mais le rapporteur lui-même, il a dit, je ne sais pas s'il a oublié, qu'il a fait intentionnellement. Maintenant, est-ce que ça ne joue pas sur le jugement? Qu'est-ce que ça, en quoi ça influence ce jugement pour nous? Mais je réponds à ça, il dit, le rapporteur du hadith a dit au sujet du hadith, je ne sais pas si le messager d'Allah l'a fait par oubli ou s'il l'a fait intentionnellement, s'il en a eu l'intention. Mais cette parole, cher, il dit, n'influence pas le jugement concernant cette affaire. Hein? Et là, il y a ça, il a dedans maintenant, parce que des frères, peut-être des fois, hein, peuvent par oubli, quoi? Réciter la même. Je vais te poser la question sur ma prière. Ben, la réponse, elle est là. Cette parole n'influence pas le jugement concernant cette affaire, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Ma'asoum, le mot en arabe, c'est ma'asoum. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et transmet la législation qu'il a reçue d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si cela n'était pas autorisé, maintenant j'ai besoin de ton mot, hein? J'ai oublié. Hein? Eh bien, ah, je me rappelle, sunna d'approbation. Parle-là. Approbation. C'est ça qu'on avait dit. Hein? Hein? C'est du approuvé, akarra. C'est ça que je me souviens. Au moins, c'était pas le thème, celui-là. Moi, je crois que c'est celui-là qu'on avait dit. feu. C'est quoi? C'est que, vous suivez là la mas'ala ici, c'est que si maintenant c'était pas autorisé, est-ce que la révélation, il n'y aurait pas eu quelque chose qui serait passé au niveau de la révélation pour montrer que c'est pas autorisé? Non. Bien sûr. Or, qu'est-ce qu'il dit? C'est que justement, c'est un signe que c'est un signe d'approbation, comme l'a dit Chir ici. Hein? Et que, donc, pour nous, ça devient quoi? Un texte sur lequel on peut se référer, sur le fait de quoi? De prier la prière du Fajr, hein? Avec les deux rak'at, avec la même sourate dans la deux rak'at, d'accord? Cheikh Ali, il est à remarquer que la sunna à ce sujet, c'est de le faire parfois. Hein, quand tu pries, et que tu fasses dans la première rak'a une sourate, et la deuxième, la même sourate, c'est une sunna à faire parfois, pas à répétition, et pas de manière constante, tout le temps. Hein, c'est important. Et ça c'est important pour les salafis, ikhwah. Que dans notre application de la sunna, on l'applique conformément à la sunna. Parce que des fois, on peut faire des sunnans et on le fait mal. On n'a pas le fiqh de ces sunnans-là. Hein? Vous avez un frère, il va dire, oh, ben, c'est une sunna, et il va le faire tout le temps. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit, le shir, il dit? Il dit, c'est la voix du prophète, Assassin, parfois. Ni à répétition, souvent, ni constamment, tout le temps. Quatrième jugement tiré de ce chapitre, al-hukm al-rabi' anna al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, مره استفتح بسوره المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى عليه الصلاه والسلام عند قوله ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين المؤمنون او عند قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى روضه ذات قرار ومعين سوره المؤمنون شك بعض الرواه أخذت سعلة أو سعلة فركع فيه دليل أن للإمام إذا حصل أثناء القراءة سعلة أن يقطع قراءته أو ينهي قراءته ويركع. Donc quatrième jugement qu'on prend de ce chapitre ici, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a commencé sa récitation par sourate al-Mu'minun jusqu'il arrive au verset qui cite Moussa et Haroun ou Isa عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire le verset dont la traduction du sens est: ensuite, nous envoyons Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente. Surat al-Mu'minun, verset 45, ou jusqu'au verset dont la traduction du sens est: et nous fîmes du fils de Marie ainsi que de sa mère un prodige, et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline d'un sable et dotée d'une source. Surat al-Mu'minun, maintenant verset 50. Donc le rapporteur du hadith, il doute. Est-ce que le prophète, par exemple, quand il a toussé, s'est arrêté au verset 45 ou au verset 50? Et vous voyez qu'il n'a pas cité les chiffres, mais il a cité par le ma'na. Dans le sens quoi? C'est les versets qui, le verset premier de 45 de Sourate Mu'minun qui parle de Moussa et Haroun, et le 50 qui parle de Isa alayhi salatu salam. Certains rapporteurs du hadith, comme les chiffres, ont douté ce verset ou l'autre. À ce moment, le messager d'Allah a été pris d'une toux. Il a alors fait le recours à l'inclinaison. Il a enseigné la preuve que l'imam, s'il est pris par une toux pendant la récitation, sa lecture, qu'il peut arrêter sa lecture ou continuer sa lecture et s'incliner. D'accord? Cinquième jugement tiré de ce chapitre. Al-hukm al-khamis fi hadha al-maqta' alladhi ja'a fi dhikri قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أن من السنة أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بالإفلام من تنزيل الآيات إذا سورة السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان الآيات إذا سورة الإنسان ذي الدهر. وهنا أنبه تنبيها: إذا لم يقرأ الإمام سورة السجدة فليس من السنة أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة. وكأن السنة عند هؤلاء هي قراءة سورة فيها سجدة، بل السنة قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ولن يحصل السنة من قرأ من يحصل السنة من قرأ سورة السجدة يفرقها في الركعتين، بل السنة أن يقرأ السجدة في جغط المفقد. ولم يحصل السنة من قرأ سورة السجدة يفرقها في الركعتين، بل السنة أن يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى على الإنسان في الثانية. ثم هذه السنة وليست شرطا في صلاة الفجر يوم الجمعة. Donc ici, rapport de point comme important qui touche encore une fois une sunna parmi les sunnans, mais qui peuvent être mal appliquées par certaines personnes. Le cinquième jugement tiré de ce chapitre, c'est quoi? Il a dans cette partie qui rapporte, on le dit encore une fois, c'est que le messager d'Allah a dit lors de la prière du Fajr, qu'il fait partie de la sunna de lire lors de la prière du Fajr le vendredi, le Jumu'ah, et bien c'est quoi? Alhamdoulilah, c'est une sunna qu'on pratique ici, dans le Fajr le jour du vendredi. C'est quoi de lire dans la première rak'at, al-sijda. Et la deuxième, al-insan. D'accord? Et ici, je fais une remarque, c'est Cheikh qui parle, c'est qu'il ne fait pas partie de la sunna si l'imam ne lit pas surat al-sijda, de lire une autre surat où il y a une prosternation. Parce que là, ils vont dire, surat al-sijda, donc n'importe quelle surat où il y a une prosternation, c'est bon. Si on n'a pas lu sijda. Non, la sunna, c'est cette surat-là, alif, lam, mim, tanzil, sijda. La sunna, c'est de lire surat al-sijda. Et celui qui lit sijda, encore une autre erreur que peuvent faire des gens, en la séparant sur deux unités de prière, n'aura pas fait la sunna. Car la sunna, c'est de réciter dans la première al-sijda et dans la deuxième al-insan. Et après, il m'a rapporté une parole sur la dîme qui dit que c'est la rapporter complètement sur al-sijda, dans la première. Et cette sunna n'est pas une condition de la prière du Fajr le vendredi. Donc ça veut dire que si tu pries avec autre chose, ta prière elle est quand même valable. Sixième jugement, tiré du chapitre, al-hukmu al-sadisu, ما أوراده المصنف رحمه الله من الأحاديث في هذا المقطع يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغالب في سنته أن يفرد كل سورة بركعة وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة بعض السورة في الركعة وأنه كان الأكثر والأقرب من حال عليه الصلاة والسلام أنه يكمل السورة في الركعة فالمداومة على قراءة آخر السورة أو تقطيع السورة في ركعتين خلاف السنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان طارة يبتدئ من أول السورة ويختمها في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام وكان طارة يقسمها في ركعتين وطارة يعيدها كلها في الركعة الثانية فالسنة فعل هذا وهذا وهذا والمداومة على أحدها خلاف السنة. C'est encore notre point, la précision de la pratique de la sunna, l'application de la ramification de la sunna. Ce que l'auteur a rapporté dans le sixième jugement, comme ahadith dans ce chapitre, met en évidence que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a de plus dans sa sunnah, l'aghlab, c'est qu'il priait chaque unité de prière en ne lisant qu'une sourate. On avait déjà parlé de ça dans le cours précédent. Et qu'il ne lisait pas souvent qu'une seule partie de sourate. On avait déjà vu ça aussi dans le même cours précédent. Je répète cette phrase qui est très importante. On a dit quoi? C'est en évidence que ce chapitre, les hadiths mettent en évidence que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a de plus dans sa sunna, c'est qu'il priait chaque unité de prière en ne lisant qu'une sourate. Et qu'il ne lisait pas souvent qu'une partie de la sourate dans une unité de prière. Et ce qu'il faisait le plus souvent, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est le plus proche de sa situation, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il finissait la sourate dans l'unité de prière. Donc, on va résumer ça maintenant. C'est quoi la sunna? Est-ce que c'est rapporter la fin d'une sourate? Il ne faut pas dire non. La précision. De temps en temps. Parfois. On avait dit que ça peut être, c'était autorisé, vous vous souvenez? C'était autorisé. Maintenant, c'est quoi le plus que le prophète A.S. faisait? Entière. C'est-à-dire quoi? Il commençait la sourate. Et il la finissait. Et maintenant, est-ce qu'il la finissait en une ou deux raka'as? Est-ce qu'il la séparait ou la finissait dans la même raka'as? De temps en temps. Souvent, je parle souvent là. La majorité, il la finissait. Mais des fois, il a coupé en deux. Exactement. Ou des fois, il l'a recommencé. Répété. D'accord. Donc on a dit quoi ici? Être constant donc sur la lecture de la façon de la fin pardon d'une sourate ou la division d'une sourate entre deux unités de prière est contraire avec la sunna. Si on parle de quoi, attention, le mot constant il est très important ici. C'est-à-dire de le faire tout le temps. C'est khilaf sunna. Quand tu le fais, une fois, c'est pas khilaf sunna. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la majorité des cas, lisait la surah de son début et la finissait. Et parfois, il la divisait entre deux unités de prière et parfois, il la répétait dans la deuxième unité de prière. La sunna, c'est de faire une fois ceci, une fois cela et l'autre fois encore. D'accord? L'autre manière encore, si vous voulez. Et être constant, faire constamment l'un des trois est contraire à la sunna. D'accord ? On avait utilisé un mot en arabe, et le chef l'a utilisé ici aussi. Il y a un verbe, on avait tiré un nom de ça dans un des cours, on avait appris que c'est un nom spécial d'une sunna. Ou plutôt de. Hein ? Vas-y. Ça devient une bidah. Non, je ne parle pas de ça. On a dit qu'il y a deux genres de choses. Il y a khilaf tanawwa et khilaf tabad. Vous vous souvenez de ça ou pas ? C'est quoi khilaf tabad et khilaf tanawwa ? Et le verbe ici, nawwa'a, c'est le verbe qu'il a utilisé ici, le cheikh, nawwa'a. Différencier, faire de différentes manières. Khilaf tabad, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. Khilaf tanawwa, qui te donne un exemple, une fois tu fais l'un, une fois tu fais l'autre. Tashahoud, un excellent exemple, c'est tashahoud. Il y a plusieurs versions que tu as rapportées, sont toutes authentiques. La sunna, une fois tu rapportes celle-ci, une fois tu rapportes celle-là, tu rapportes l'autre. Un autre exemple pour khilaf tanawwa. Deux coutures. Mm-hmm. Vas-y. Est-ce que ça on peut dire que c'est un tanawwa? Moi je ne m'inventerai pas. Je n'ai pas de réponse, donc je ne m'inventerai pas. Mais toi tu as dit quelque chose, quoi? Tu as dit quoi? Exactement, je dois aller plus tard qu'on appelle en français les invocations d'ouverture. Maintenant on s'attache, Inch'Allah, au dernier jugement de ce chapitre, c'est le septième. Et Cheikh il dit Al-Hukm al-Sabi'u. من الأحكام المأخوذة من الفصل من السنة في الصلاة أن تطول القراءة في الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. Donc c'est un jugement qui fait partie de la sunna que la lecture du Coran dans la première unité de prière soit plus longue et donc que la récitation dans la deuxième soit plus courte que dans la première. Et alors on va terminer sur un sujet, qui est le sujet suivant, et qui n'est pas expliqué par le cheikh. Mais Cheikh Al-Albani le rapporte, donc on va le rapporter aussi, Inch'Allah. Et c'est sur quoi ? Sur la sunna de l'Fajr, sunna de l'Fajr. Cheikh Al-Albani dit, « Al-qira'atu fi sunna de l'Fajr. »« Wa anna qira'atuhu fi raka'at » Parce que maintenant on a vu la prière de l'Fajr, mais quelqu'un peut poser la question sur sunna de l'Fajr. Les deux raka'at ont pris juste avant Al-Fajr. Alors, qui sait me dire une sunna entre la sunna du Fajr et le Fajr elle-même, lui-même? Il y a une sunna à faire. Deux rak'as avant la prière. Je parle la sunna entre ces deux rak'as, tu dis toi. À s'allonger. S'allonger sur quel côté? Droit. Côté droit. Maintenant, cette sunna, c'est à la mosquée ou à la maison? À la maison. À la maison, là. D'accord. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية أو آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية وأحيانا نقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام نعم السورتان هما. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ السورة الثانية الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. Donc l'auteur qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah, il rapporte, il dit, il parle de la sunna de deux rak'at avant le Fajr, ce qu'on appelle surat al-Fajr. Il dit la récitation lors de la prière surrogatoire du Fajr, alayhi salatu wassalam, quant à sa récitation alayhi salatu wassalam lors des deux rak'at, lors de la prière sur le gâteau du Fajr, elle était si courte, khafifatan jiddan, hatta, elle était si courte que Aïcha, radhiyallahu anha, se demandait, a-t-il bien récité la base du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha? J'en ai une question pour le frère quand tu dis un peu le hadith. Al-Fatiha, on l'appelle Umm al-Kitab. D'accord ? Alors je voudrais savoir pourquoi. Et dire qui sait me dire, je crois que je l'ai lu dans un des cours, enfin, il n'y a pas longtemps. Qui sait me dire c'est quoi Umm Sunnah ? Alors pourquoi on appelle Al-Fatiha Umm Al-Kitab ? Pourquoi la base du livre ? Il renferme tout le Coran, c'est comme... On a déjà lu dans un cours, tu sais, il n'y a pas longtemps la vie dans les cours. C'est comme le titre du Coran, enfin, comme le table des matières. C'est-à-dire, il renferme tout ce qui est dans le Coran. Il utilise un mot que le cheikh a utilisé, « Ishtamalat ala ma'ani le Coran kulliya ». C'est-à-dire qu'il englobe tous les sens, les ma'ani du Coran. C'est pour ça qu'on appelle « Umm al-Kitab ». D'accord ? Maintenant, c'est quoi Umm Sunnah ? Il y a un hadith qu'on appelle Umm Sunnah. C'est un hadith qui renfermerait toute la semaine. Oui, bah c'est lequel ? Dans la Ligue 1, ok, tu veux savoir. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est le hadith Jibril, alayhi salam. C'est qui dit ça ? C'est Ramah Sin Abbad, dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Dans l'explication de Al-Arba'in Nawawiya. Il dit que Umm Sunnah, pourquoi ? Parce que ce hadith-là, toute la sunnah est venue pour détailler ce hadith-là après. Umm Sunnah. D'accord ? Donc on a dit quoi ici ? Que le prophète, alayhi salam, il prit une prière si courte dans Sunnat al-Fajr, que Aïcha radiallahu anha se demandait, a-t-il bien récité la base du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha ? En outre, il récitait parfois après la Fatiha dans la première raka'a, le verset dans la traduction du sens est « Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé » jusqu'à la fin du verset. Ce sera la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 136. Faites attention si à un moment il y a une erreur. Je vous l'ai dit déjà dès maintenant, c'est celle-ci d'ailleurs. Ils ont dit quoi ? Surat 3. C'est pas Al-Imran, c'est Baqarah, c'est Surat 2 ici. Changez-le, Inch'Allah. Et dans notre raka'a, il récitait le verset dans la traduction du sens est « Dis aux gens du livre » Venez à une parole commune entre nous et vous, jusqu'à la fin du verset. Surat Ali Imran, verset 64. C'est un verset qui est cité dans un livre très connu dans l'Aqida. Qu'on est censé d'ailleurs tous connaître par cœur et comprendre. On soulte la tête. Et peut-être récitait-il à la place les versets dont la traduction du sens est puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, jusqu'à la fin du verset. Et c'est la traduction du sens de Surat Al-Imran, verset 52. Et parfois, le récit alayhi salatu wassalam, le verset dans la traduction du sens est « Dis, ô vous les infidèles » c'est-à-dire « Ya ayyuhal kafirun » Je suis fatigué aujourd'hui, subhanallah. Verset Surat 109, et il y a 6 versets. Lors de la première unité de prière, et il dit « et dit Il est Allah unique » c'est-à-dire quel surat en arabe ici ? Hein ? Surat Al-Ikhlas. C'est le numéro 112, il y a 4 versets. Dans la seconde. Et il disait, quelles excellentes sourates que ces deux-là. Il a entendu un homme réciter la première sourate lors de la première unité de prière. Il dit alors, c'est un serviteur qui a cru en son Seigneur. Puis il récita la seconde sourate lors de la seconde unité de prière. Et le prophète a dit alors, c'est un serviteur qui a connu son Seigneur. D'accord ? Et avec ça, on a fini la partie sur le Fajr. Je pense qu'il convient qu'on s'arrête là, Inch'Allah, et que la prochaine fois, on continue dans le Salat al-Dhuhr, etc. والله اعلم جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك